Père Romano Zago, OM du cancer on peut guérir. Ce petit livre nous apprend, d'une manière pratique et économique, comment soigner le cancer et d'autres maladies, sans mutilation ni remède, sans effets collatéraux et sans sortir de chez soi. Table des matières introduction. La découverte. L'application de la découverte. La formule. La formule définitive. Comment prendre le produit. Questions et réponses. Internationalisation de la recette. Composition de l'aloès vrai ou barbadensi. L'aloès est toxique, l'aloès est oxyda, en tête à tête. Conclusion.